Si la mortalité ou l'immortalité est ta préoccupation, prie pour nous, étrangers. Si repose Christina, ma sœur, un bébé, la voix de Dieu. Fille expulsée à la naissance, elle a vécu pour aimer pendant 25 mois. Bref, innocence qui a engendré mon histoire. Chaque jour j'écris à ton départ. Pâles sont les empires, les villes, les fléaux. En marchant dans les vallées et les ravins, Christina a surmonté les peurs qui ont consumé mon pays dans la guerre. Tes anges sont prises dans leurs bras, aiment tant que tu vis, citoyen. Aime les autres, car Christina te réclame en Christ. Christina a surmonté les peurs qui ont consumé mon pays dans la guerre. Des anges l'ont prise dans leurs bras, aime tant que tu vis, citoyen. Aime les autres car Christina te réclame en Christ.